Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, nous allons tutoyer les sommets pour des histoires verticales de la montagne. Le poète Jean Ferrat nous l'avait dit, ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Mais la montagne a-t-elle toujours été peuplée? Comment a-t-elle été perçue par nos ancêtres? Oh, vous savez, les vieux, ça n'était pas original. Quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres, mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Oui, nous allons tutoyer les sommets. Alors Mont Blanc, comment vas-tu ? Stéphane Gall, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Il faut sans doute préciser ce dont il est question aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Quand nous parlons montagne, montagne signifie beaucoup de choses. Il y a la vallée et puis il y a différentes altitudes. La montagne a-t-elle toujours été peuplée? Alors, elle a toujours été plus ou moins peuplée. Oui, en tout cas, elle a été traversée. C'est-à-dire que elle n'a jamais vraiment représenté une barrière infranchissable, contrairement à ce qu'on a pu en dire. Des circulations humaines, beaucoup. On connaît tous le fameux Ötzi qui a été retrouvé dans les Alpes, hein, et qui nous montre que plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, on circulait déjà en haute altitude dans les Alpes. Oui, parce... Donc peuplé surtout dans les Piémonts, mais une circulation dans la montagne tout à fait existante et très très ancienne. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université Grenoble-Alpes. Vous êtes l'auteur d'Histoire verticale, les usages politiques et culturels de la montagne, 14e-18e siècle, publié chez Champvallon. Histoire verticale de la montagne avec des S. Ce sont des histoires qui sont verticales. D'ailleurs, il y a une origine à ce mot vertical qui est assez étonnante, c'est récent. En fait, ce mot, on l'utilise assez peu à l'époque moderne. On parle plutôt de barrière, justement, de précipice pour évoquer cette troisième dimension, celle de la verticalité, qu'on connaît à l'époque à travers les cathédrales, à travers les tours, les remparts, et qu'on connaît assez peu à travers la montagne. Et c'est précisément à cette époque, celle de la Renaissance, qu'on va entrer dans cette troisième dimension et apprendre à connaître et à utiliser cette verticalité. Cette verticalité qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Avec vous également, Anne Montenac, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur des universités à Aix-Marseille. Dites-nous, vous avez écrit « Femmes, pouvoir et contrebande dans les Alpes au XVIIIe siècle ». Sujet drôlement intéressant, ces montagnes sont traversées sans cesse. Ce sont des lieux que l'on parcourt, ce sont des lieux peut-être où l'on s'installe moins. Ce sont des lieux que l'on parcourt et ce sont aussi des lieux où l'on s'installe. Ce sont des lieux peuplés, comme l'a rappelé Stéphane Gall, mais ce sont aussi effectivement des lieux traversés par des circulations économiques et connectés avec les espaces plus larges, les espaces européens et même, pour les produits que j'ai pu étudier, les espaces de l'économie monde au XVIIIe siècle. Eh bien justement, nous allons commencer notre exploration de la montagne en 1492. Alors, effectivement, en 1492, à n'importe quelle question d'un jeu, nous répondons « découverte de l'Amérique ». Oui, mais en 1492, il se passe autre chose. Il y a 500 ans, Antoine de Ville et ses compagnons parvenaient sur ce sommet. Et actuellement, quand on refait cette voie normale, on se rend compte des difficultés de l'époque. C'est pourquoi on peut vraiment parler de naissance de l'alpinisme. Et il est évident qu'à cette époque, pour attaquer une paroi comme la paroi du Mont-Aiguille, il fallait, sur le plan psychologique, c'était quelque chose certainement d'extrêmement difficile, car la montagne à cette époque était des démons, des dragons, et elle était réputée inaccessible. En juin 1492, des gens arrivent sur le Mont-Aiguille. Alors là, en l'occurrence, c'est 500 ans plus tard, en 1992, dans l'émission Arrêt sur image sur France Culture. Stéphane Gall, mais qu'allaient faire ces gens sur le Mont-Aiguille en 1492? Alors cette ascension, elle a été commandée par le roi de France de l'époque, Charles VIII. Qui a été interpellé, on pourrait dire, par cette montagne qui est le Mont-Aiguille, qui a une forme tout à fait particulière, un peu comme son nom l'indique. Et à l'époque, on disait en plus que c'était un mont inaccessible. Et il y a eu une sorte de défi lancé par le roi à l'un de ses capitaines, Antoine de Ville, donc un militaire, de prendre cette montagne et de rendre en quelque sorte accessible ce qui ne l'était pas, de prendre un symbole et de découvrir aussi, d'explorer d'une certaine manière, un peu dans l'esprit des grandes découvertes, ce qu'il pouvait y avoir au sommet de cette montagne. Et Antoine de Ville, qui était habitué à la prise des cités, de l'époque, des cités fortifiées, savait manier les échelles, et il a donc escaladé, puisque c'est de là que vient le mot, il a escaladé le mont Aiguille. Il ne s'y est pas vraiment pris comme on pourrait le faire aujourd'hui pour faire de l'escalade avec des cordes, des rappels, des mousquetons, mais il a déployé des trésors de charpentiers, on pourrait dire, pour construire de très nombreuses échelles et avec des sortes d'échafaudages arriver jusqu'au sommet du mont Aiguille. Oui, alors là, nous sommes en 1492 dans le massif du Vercors avec ce mont Aiguille. Il y a le défi que représente d'escalader un sommet, mais il y a quand même autre chose. Anne Montenac, comment était perçue la montagne? Parce que là aussi, c'est un défi, vaincre ses peurs. Oui, alors la montagne et ses habitants, on l'entend, étaient perçus comme finalement des espaces peuplés d'habitants sauvages, d'habitants rebelles, des espaces d'anti-État ou de non-État, peuplés de dissidents. C'est une vision effectivement un petit peu stéréotypée de la montagne. Ah bah justement, en évoquant la dissidence, nous comprenons pourquoi, en cette fin du XVe siècle, le roi a envie de mettre sa main sur la montagne, Stéphane Gall. Eh ben oui, parce que c'est un espace qui lui échappe en quelque sorte, hein, ces espaces de verticalité. Donc on en fait la conquête. Et pour le roi de France Charles VIII, il y a aussi une autre dimension, c'est que là on est en 1492 et il prend l'inaccessible et il s'apprête 2 ans plus tard à entreprendre de grandes guerres en Italie, qu'on appelle les guerres d'Italie en 1494. Et pour le roi, cette première étape, enfin ce mont Aiguille apparaît comme une sorte de première étape, un jalon sur la route de l'Italie précisément, et qu'il le conforte dans l'idée qu'il est soutenu par la providence divine, que rien n'est impossible à un roi de France, qu'ainsi il pourra prendre le royaume de Naples qu'il revendique, et ensuite s'embarquer pour prendre Jérusalem. Donc c'est comme une sorte de pèlerinage ou de voyage d'un mont à un autre, du mont Aiguille au mont Sillon, que s'apprête à faire le roi Charles VIII. 1492, évidemment, découverte de l'Amérique. Y a-t-il un lien à faire entre cette volonté d'explorer par-delà les mers de nouveaux territoires et la volonté d'accéder tout en haut des sommets? Stéphane Gall. Et oui, certainement. Il y a cette soif de découverte qui caractérise la Renaissance. Donc on s'embarque sur de grandes découvertes qu'on imagine très horizontales sur les mers océanes avec Christophe Colomb, mais qui ont aussi une dimension verticale, puisque le navigateur va se repérer précisément aux montagnes pour se diriger. Il va, dans son journal, évoquer cette verticalité du Nouveau Monde qui le frappe, qui lui semble extraordinaire, comme une sorte de monde un petit peu démesuré. Et ensuite, les conquistadors qui vont faire la conquête de ce monde vont eux aussi devoir prendre des verticalités. Il y a un épisode, alors on a rappelé le mont Aiguille à l'instant, mais un peu plus tard, en 1519, Cortés commande à l'un de ses capitaines de prendre le Popocatépetl, donc un sommet près de Mexico. Et ce que va faire ce capitaine, un petit peu comme Antoine de Ville, c'est un peu la même démarche. Prendre un sommet, l'explorer, mais avec une arrière-pensée politique, comme pour Charles VIII. C'est-à-dire que on prend un sommet, on démontre par là que rien n'est impossible pour Charles VIII en 1492, pour le roi d'Espagne en 1519 avec Cortés, et ainsi impressionner ses ennemis et leur montrer que voilà, on est capable de gravir, de repousser les limites. Et on n'a peur de rien en quelque sorte, surtout pas des dragons ou je ne sais quelle créature on pourrait trouver au sommet de ces montagnes. C'est toujours une belle histoire d'explorer comme ça les représentations du passé et de voir ces changements majeurs qui s'y passent. Parce que des dragons, bah ça, il était certain pour les contrebandiers qu'il n'y en avait pas en montagne. Anne Montenac, eux, peuplaient la montagne, connaissaient très bien la montagne. Oui, il connaissait très bien la montagne. Il savait se déplacer. Et effectivement, les archives nous racontent des récits souvent assez drôles de jeux du chat et de la souris entre contrebandiers et représentants de l'État, et en particulier de la ferme générale qui était chargée de contrôler, non pas les frontières, mais la perception des impôts indirects, et en particulier de la gabelle. Donc effectivement, des espaces qui sont à la fois surinvestis par l'État, parce que zone frontière, zone à contrôler, et en même temps des terrains privilégiés pour toutes sortes de trafics illicites. Le mot a été prononcé, celui de gabelle, qui nous conduit évidemment à évoquer le sel. Anne Montenac, pour rappeler l'importance du sel dans toutes ces régions. Pas du sel en général d'ailleurs, mais là en particulier. Du sel en général, c'est finalement un produit qui est, on l'a oublié, c'est peut-être difficile à imaginer aujourd'hui, mais c'est une denrée qui occupe dans les derniers siècles du Moyen-Âge et avant l'ère industrielle, finalement, la place que tiendrait aujourd'hui le pétrole dans les jeux de la politique, dans les jeux de la diplomatie internationale. C'est aussi donc un produit qui est absolument essentiel à l'alimentation, à l'équilibre biologique des hommes, qui a aussi une dimension sacrée, une dimension symbolique importante, et qui est utilisé, on le sait, pour la conservation des aliments. Mais dans ces hautes vallées des Alpes en particulier, mais c'est pareil dans toutes les montagnes, dans ces régions d'élevage, le sel prend évidemment une importance d'autant plus grande, puisqu'on a besoin de quantités importantes pour nourrir les troupeaux, et en particulier donc les troupeaux qui remontent vers le Dauphiné depuis les plaines de Provence pour l'estive. Eh bien, je vous propose de partir à la rencontre d'un contrebandier, mais un vrai, un pur. Écoutez, il a 82 ans, il est formidable. Vous avez quel âge ? J'ai 82 ans. Eh bien, dites-moi, c'est pas mal. On m'a dit qu'hier encore, vous étiez en train de fendre votre bois. Oui, puis c'est un honneur que j'ai à cœur. Puis je le fendrai, mon bois. C'est mon beau-fils qui m'a fait colère. Il m'a dit, c'est pas toi qui vas aller pouvoir fendre ces billons-là. Alors, ça m'a fait serrer les poings. C'est moi qui les ai fendus, puis je les ai bien fendus, puis je vais encore en fendre. Et qu'est-ce qui vous a conservé en bonne santé ? C'est l'Éternel. Et l'air du pays ? L'air du pays, puis l'eau de vie, mais je la bois par raison. Dites-moi, alors maintenant, vous travaillez encore un petit peu, mais qu'est-ce que vous avez fait comme métier toute votre vie ? J'ai fait le contrebandier. Ah bon ? C'est vrai qu'on est tout près de la frontière. Oui. J'ai gagné 35 francs pour porter 550 kilos de sel de l'autre côté de la frontière. J'ai gagné 35 francs. Ça m'a fait pour nous hiverner. J'avais 29 ans à cette époque. Cyril Marchand, doyen de Châtel en Haute-Savoie, qui à 82 ans évoque en 1973 son métier de contrebandier. Anne Montenac, le cas du contrebandier est quelque chose qui nous intéresse, mais nous parlons de la montagne. En quoi la montagne et le contrebandier est quelque chose qui a attiré votre attention ? Pourquoi cette contrebande dans les Alpes ? Il y a des déséquilibres régionaux qui expliquent que ce lieu de passage est privilégié pour les contrebandiers ? Oui, effectivement. Alors, dans le cas du sel, plus précisément, moi, je me suis intéressée aux Hautes-Vallées du Dauphiné, donc le Briançonnais et le Queyras, pour les auditeurs qui situent, qui font partie donc d'une région qui est globalement un pays qu'on appelle de petite gabelle, hein, donc dans ce régime différencié de la gabelle, mais dans lequel on va trouver des vallées donc privilégiées, ces vallées du Briançonnais et du Queyras, qui jouissent à partir du début du 18e siècle, à partir de 1715, d'un tarif privilégié sur le prix du sel, et c'est effectivement ce différentiel d'une vallée à l'autre qui donne naissance à un trafic qui se poursuit jusqu'à la Révolution. Un trafic qui se poursuit dans ces vallées, dans ces montagnes, et qui échappe au pouvoir. Stéphane Gall, votre regard se porte sur les usages politiques, culturels de la montagne. Est-ce que le pouvoir, au-delà de réussir la conquête d'un sommet, arrive à contrôler ces vastes territoires ? Difficilement, mais c'est aussi l'enjeu des États modernes, c'est-à-dire des États qui se construisent Et qui cherchent à étendre leur ombre, on pourrait dire, un petit peu sur tous les espaces qui deviennent par définition des territoires, c'est-à-dire des espaces contrôlés, soumis à une autorité. Et la montagne fait partie de ces espaces un petit peu rétifs à l'autorité. Et ces États modernes qui se développent vont donc chercher à s'imposer progressivement, imposer une administration, la justice, le contrôle des chemins dans ces montagnes, les cartographier également pour les rendre visibles, pour connaître cet espace. Et un des grands enjeux, c'est qui permettra à ces États modernes de s'imposer, c'est la circulation des troupes, puisque ces montagnes, notamment à la Renaissance, en particulier les Alpes, sont un passage obligé pour se rendre en Italie. Et il faut donc ouvrir des routes, il faut les entretenir pour le commerce, mais aussi pour ces troupes, pour faire passer des canons, c'est-à-dire des armées de plus en plus modernes, de plus en plus nombreuses, qui ont besoin de matériel, qui déplacent des dizaines de milliers d'hommes, d'animaux. Et donc ces routes s'ouvrent à l'intérieur des montagnes. Et il faut construire aussi des infrastructures, des ponts, pour permettre à ces hommes de circuler. Et on espère aussi, grâce à cela, s'imposer, grâce à des fortifications qui verrouillent les passages, qui sont gouvernés par des hommes du roi ou du duc, selon les endroits où l'on se trouve dans la frontière. Et donc, on va aussi chercher à, de plus en plus nettement, tracer des frontières dans ces montagnes qui semblent par définition ne pas en avoir, parce que c'est un espace qui est perçu un peu comme chaotique. Et un autre enjeu de ces États sera d'arriver à tracer des frontières de plus en plus linéaires dans ces montagnes. Oui, justement, Stéphane Gall, on entend derrière vous que les gens sont en train de construire un tunnel. Mais ça, c'est une chose. Les tunnels à la Renaissance n'existent pas. Non, à la Renaissance, en 1515, attention, 1515, Marignan, il faut passer les Alpes. En 1515, un roi et des chevaliers en armure se sont retrouvés au cœur des Alpes. En tout, ce sont 40 000 hommes de guerre et près de 12 000 chevaux qui passent les monts. Évidemment, c'est une aventure, comme ça l'a été en 1515. On a essayé de prévoir un maximum de choses, mais il reste des imprévus. On va y arriver. J'ai préparé ça un peu comme une compétition, c'est vrai. Quelles difficultés physiques, morales, matérielles cela représente-t-il pour des hommes du XVIe siècle? C'est ce que l'histoire ne dit pas. Un extrait du documentaire Des Chevaliers dans la montagne. Un documentaire qui a reçu le prix jeunesse du film d'aventure scientifique lors des rencontres montagne et science en 2019. Stéphane Gall, vous êtes responsable du projet Marche Alpes. Quelle est cette chose? Alors là, on vient d'entendre effectivement un extrait du documentaire réalisé par Megapixel qui reprend en image ce projet Marche Alpes, Marche armée dans les Alpes, qui est un projet scientifique qui vise à prendre en quelque sorte la montagne comme un laboratoire à ciel ouvert et prendre le corps humain comme un objet d'étude et grâce à l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'on a cherché à partir des textes de l'époque, en l'occurrence une lettre de François Ier qui explique qu'il se trouve en armure dans la montagne en août 1515, un mois avant la fameuse bataille de Marignan, et donc essayer de comprendre ce que pouvait représenter à l'époque de porter l'armure, c'est-à-dire près de 30-40 kilos sur le dos, en montagne. Un équipement donc complètement inadapté à la montagne, mais pourtant que ces chevaliers, que les hommes de guerre de François Ier portaient, qu'ils ont porté pour traverser la montagne. Donc le projet visait à restituer les conditions matérielles, humaines, de ce passage, et d'essayer de mesurer avec les moyens d'aujourd'hui, en biomécanique, en physiologie, de mesurer un petit peu les contraintes sur le corps que cela pouvait représenter. Et on a donc entrepris sur 2 jours un franchissement des Alpes après avoir reconstitué des armures comme celles qui étaient utilisées à l'époque. des armures qu'on a pu porter une dizaine d'heures par jour, qu'on a pu porter pour faire environ 14 km de marche le premier jour, près de 1400 mètres de dénivelé, donc passer un col à 2641 mètres d'altitude. Tout ça pour montrer donc également que c'était tout à fait possible de porter une armure en montagne, de se déplacer à pied, à cheval, que c'était une véritable épreuve. Et on comprend que François Ier, qui pourtant était un athlète, un grand gaillard de près de 2 mètres de haut, eh bien que François Ier ait quand même souffert lors de ce passage et qu'il l'écrive à sa mère, Louise de Savoie, qui était régente à l'époque, pour lui expliquer combien eh bien cela le fâchait fort, dit-il, de porter le harnois, c'est-à-dire l'armure, dans ces montagnes. Stéphane Gall, avec ce projet, Marshall peut vous montrer qu'il était possible de traverser les Alpes avec une armure, mais c'est vrai que l'on peut être étonné. Pourquoi avoir fait ce choix de traverser les Alpes en armure? Oui. Effectivement, ça paraît un peu incongru de se retrouver en armure dans la montagne. Et on se demande pourquoi François Ier a ajouté une contrainte à la contrainte de la montagne. Mais pour ça, il faut se replacer vraiment dans le contexte de cette traversée et d'un François Ier qui redoute d'être attaqué par les ennemis du moment, c'est-à-dire les Suisses, qui avaient la réputation d'être des montagnards et des guerriers absolument redoutables à l'époque. Ils l'avaient prouvé à maintes reprises sur le champ de bataille, en écrasant les troupes du duc de Bourgogne, de l'empereur Maximilien Ier ou même du roi de France, Louis XII. Donc François Ier adopte un dispositif qui est un dispositif de combat selon les règles de la prudence militaire de l'époque. Et quand bien même eh bien, on se trouve en montagne, la nécessité et la prudence exigent d'avoir sur soi l'équipement de protection, c'est-à-dire une armure qui puisse permettre de parer à une embuscade des Suisses et, ou éventuellement de forcer un passage si les Suisses venaient à bloquer. C'est ce qu'ils font d'ailleurs en août 1515, ils bloquent les différents passages. Donc le roi a très peur d'être enfermé littéralement dans la montagne, parce que la montagne est perçue comme un désert d'altitude, où on n'a pas de ressources pour nourrir des dizaines de milliers d'hommes, où la logistique de l'époque n'est pas capable de stocker en altitude des quantités de vivres que l'on a habituellement dans les magasins d'étape qui jalonnent la route militaire. Donc on redoute de mourir de faim dans la montagne, c'est une véritable peur qu'on trouve dans les textes de l'époque. Et le roi se prépare donc à éventuellement forcer le passage pour sortir de cette montagne. Voilà, c'est le roi François Ier qui traverse les Alpes avec une représentation de la montagne tout autre que celle que nous avons aujourd'hui. Allez, dans le cours de l'histoire, nous franchissons les Alpes. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Nous nous trouvons dans la montagne avec évidemment le cas des Alpes, mais qui peut être étendu à la question des Pyrénées. Et puis ces questions anciennes, si les Vosges, pourquoi pas le Morvan, pourquoi pas le Massif Central, représentent aussi des montagnes, des questions qui se posaient au Moyen-Âge. En tout cas, Pyrénées, Alpes, Vosges, Morvan et d'autres, l'idéal est d'aller sur la montagne. Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Pourquoi ces pleurs dans tes yeux? Viens avec moi, viens. Laisse ici ton amour malheureux. Viens avec moi, viens. Viens, ma maison n'est pas loin. Je suis là, prends ma main. Viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Si tu rêves de beauté et de jours sans fin, de te rebondissant au cœur des forêts, viens avec moi, viens. On n'y voit pas de méchants, mes sales amis sont violets, fleurs et le vent. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Tes yeux tendres me font voir que toi seul je tiens. Ne sois pas triste, il n'est pas trop tard. Viens avec moi, viens. Si tu veux bien, prends ma main. Laisse-moi, je connais le chemin. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut. Quand Marie Laforêt nous demande de venir sur la montagne, nous nous précipitons dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Clément Daté. Le cours de l'histoire qui s'intéresse à la montagne, tutoyer les sommets, histoire verticale de la montagne, histoire verticale et histoire incarnée. Il y a des hommes, il y a des femmes dans la montagne. Anne Montenac, vous avez étudié les femmes qui font de la contrebande dans les Alpes au XVIIIe siècle principalement. Qui sont-elles? Alors, ce sont les femmes de ces hautes vallées dont on parlait tout à l'heure et qui sont souvent finalement un peu oubliées par les sources, qu'on pourrait qualifier d'officielles, les sources classiques de l'économie, et rentrer dans l'histoire de ces hautes vallées, dans l'économie de ces vallées frontières par la contrebande, par l'illicite, c'est aussi une manière finalement d'appréhender des acteurs et en l'occurrence ici des actrices qui sont reléguées aux marges du marché, aux marges de ces sources officielles. Alors ces femmes dans les hautes vallées des Alpes, elles sont souvent seules. Hein, on est dans des vallées qui sont marquées par l'émigration masculine, l'émigration saisonnière des hommes, ce qui peut constituer pour elles un facteur d'autonomie accru, ce qui rend aussi indispensable le travail féminin, le travail dans l'agriculture, le travail dans l'élevage. Hein, c'est d'ailleurs un lieu commun de la littérature scientifique alpine, des récits de voyageurs de l'époque, qui forgent d'ailleurs une image presque animale de ces femmes des montagnes, assimilées à des bêtes de somme à deux jambes, usées avant l'âge. Et puis, il y a un autre élément important dans l'existence quotidienne de ces femmes, et qui ressortait d'ailleurs aussi tout à l'heure du témoignage de ce contrebandier du XXe siècle, c'est l'importance de la pluriactivité. C'est le fait que finalement, pour ces femmes, la contrebande est une activité parmi d'autres, une ressource économique parmi d'autres, en même temps que l'agriculture, l'élevage, l'artisanat ou le commerce, qui eux sont davantage pratiqués par les hommes. Stéphane Gall, dans le regard porté par le pouvoir sur ces territoires, ceux de la montagne, il y a une volonté économique peut-être, mais nous voyons bien que nous ne sommes pas dans l'économie absolue, nous sommes dans une volonté de contrôle du territoire, de montrer la capacité à atteindre les sommets. Comment se construit peu à peu la mainmise du pouvoir sur ces territoires, ceux de la montagne? Eh bien, comme je le disais donc tout à l'heure, il y a cette mainmise alors par un personnel évidemment administratif qui se développe, qui se multiplie au XVIe, XVIIe siècle, mais plus spécifiquement la route est vraiment très importante. On évoquait le sel tout à l'heure, et de manière très précoce, des aménagements sont faits, mais vraiment des aménagements spectaculaires. Dès la fin du XVe siècle, il y a ce tunnel qui est percé dans le Kérat, le tunnel de la Traversette, pour éviter aux convois, aux caravanes de mulets qui transportent le sel de la Méditerranée jusque dans le Marquisat de Salus, de passer par le col de la Traversette. On perce un tunnel d'à peu près 75 mètres de long à travers la montagne, avec des techniques qui sont celles des techniques qu'on utilise pour les mines que l'on perce un petit peu partout, et notamment en montagne à cette époque. Et on va, alors on a prévu de faire un tunnel suffisamment large pour que les mulets avec leur ballot de sel puissent passer en file indienne. On prévoit une sorte d'éclairage à l'intérieur pour que on puisse se guider. Et ainsi, vous avez des centaines, des milliers de mulets qui transportent le sel et assurent cette liaison. Et évidemment, c'est un tel ouvrage qu'il faut à l'époque que la décision soit politique. Donc le roi de France, Louis XI, le marquis de Saluces prennent cette décision. Et on a comme ça d'autres exemples. Au fil du temps, l'aménagement de la voie royale du sel de la Roya, par exemple, qui est aux mains du duc de Savoie à l'époque, ou l'aménagement des échelles de la voie, ce qu'on a appelé la voie sarde au XVIIe siècle, entre Lyon et Chambéry, pour permettre aux convois de marchandises de circuler et donc aux États de prospérer. Et aux chefs, aux dirigeants de l'époque, d'afficher, parfois en l'écrivant même dans la pierre, afficher leur grandeur et leur triomphe sur la nature, en quelque sorte, leur capacité de corriger, on pourrait dire, la nature grâce à leur pouvoir, grâce à leur industrie, à celle de leurs ingénieurs, et ainsi de permettre aux hommes de franchir toutes les limites. Et justement, dans cette volonté de contrôler le territoire, Anne Montenac, nous sentons bien que pour les contrebandiers et les contrebandières, cela va changer complètement leur manière de fonctionner. En fait, dans votre étude sur les femmes, le pouvoir et la contrebande dans les Alpes, vous montrez que cela est beaucoup plus complexe. Oui, effectivement. Alors, ce qui joue comprendre ces circulations, c'est qu'on est dans des espaces où les frontières fiscales sont nombreuses et extrêmement fines et délimitent des territoires et des différentiels de prix importants. L'enjeu au début du XVIIIe siècle, dans ces hautes vallées qui deviennent en fait vallées frontières avec le Piémont, c'est de s'assurer pour l'État monarchique, de s'assurer la loyauté des populations locales, et on est dans un jeu finalement entre l'octroi de privilèges, donc sur le prix du sel, qui permet de ménager des régions qui ont souffert de la guerre, qui ont souffert des conflits. On est après 1713, hein, après ce traité d'Utrecht qui redessine les frontières, donc des vallées qui ont été amputées de leur vallée d'Outremont, puisque comme le disait Stéphane Gall tout à l'heure, c'est le moment aussi où on essaye de on transforme la frontière, si vous voulez, de zone en ligne, et donc des vallées auxquelles on va permettre d'acheter le sel moins cher pour y relancer l'élevage, pour y relancer l'économie, mais aussi pour se ménager en quelque sorte la loyauté des populations locales. Et c'est ce jeu donc sur les tarifs différentiels du sel qui donne naissance à tous ces échanges illicites, à la fois entre vallées voisines, vallées du Royaume de France, mais aussi plus largement avec la Savoie, puisqu'on sait que le roi de France vend au duc de Savoie son sel beaucoup moins cher qu'il ne le vend à ses propres habitants. Et donc on a des circulations aussi qui passent de la Savoie vers le Dauphiné. Mais là, on est plus du côté de la vallée de la Maurienne et de cette frontière-là. Et au XVIIe, au XVIIIe, il n'y a pas que le sel qui est concerné par cette contrebande. Et dès lors, c'est toute l'économie du royaume qui peut être mise en péril par la contrebande. Il y a les indiennes. Vous nous expliquez déjà, nous rappeler en tout cas, Anne Montenac, ce que sont ces indiennes. Oui, alors les indiennes, effectivement, ce sont comme le sel, mais des produits qui sont au cœur des consommations de la société européenne au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce sont des tissus de coton peints ou imprimés qui viennent à l'origine des Indes, d'où leur nom, et qui sont de plus en plus disponibles dans de larges gammes de qualité, de prix, ce qui permet de toucher un large éventail de consommateurs, des consommateurs qui sont séduits par leur couleur, par leur légèreté, par leur exotisme réel ou supposé, qui apprécient aussi de pouvoir en changer au gré des fluctuations de plus en plus rapides de la mode. Et ces produits font évidemment concurrence à la soie et à la laine, et sous la pression des manufacturiers français qui font face à la concurrence de ces toiles de coton, c'est l'importation, la production et même la consommation donc de ces indiennes qui sont progressivement interdites dans le royaume de France à partir de 1686. Ça dure jusqu'en 1759 et c'est effectivement à l'origine de toute une économie souterraine qui se traduit à toutes les frontières du royaume d'ailleurs et pas seulement dans les Alpes par une intense contrebande. Intense contrebande au XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, le moment où la montagne fascine. Écoutez, Gaston Rebuffat, alpiniste et le vainqueur de l'Annapurna en 1950, qui évoquait combien au XVIIIe siècle déjà, pour gravir les montagnes, il était nécessaire d'avoir de bonnes chaussures. Les années passent, jusqu'en 1760, où un jeune homme âgé de 20 ans, hors du commun, et qui porte en lui un grand désir, c'est Horace Bénédict de Saussure, vient à son tour à Chamonix. Il aime la montagne depuis sa plus tendre enfance, à tel point qu'il est heureux d'être dans cette vallée. Bien sûr, il ira au Mont-en-Vert, à la source de l'Arveyron, au col de Balme, mais surtout, il montera au Brévent. Ce jour-là est un jour de révélation. C'est le 24 juillet 1760. C'est le début de l'alpinisme, car pour la première fois, dans le cœur d'un homme naît le désir fou, insensé, irraisonnable, irraisonné, d'aller au sommet du Mont Blanc. Qui fuit de nos montagnes et l'ombre de la nuit s'étend sur nos campagnes. Et l'on entend, et l'on entend, les montagnards. Gaston Rebuffat qui s'exprimait en 1981 sur la conquête du Mont Blanc. Stéphane Gall, dans votre histoire de la montagne, histoire verticale, et je le rappelle, c'est au pluriel, les usages politiques et culturels de la montagne, 14e, 18e siècle. Ce 18e siècle est intéressant parce que la montagne devient un objet culturel. Qui est intéressé par la montagne alors ? Eh ben, à ce moment-là, il y a une sorte de mode qui se développe, qui attire vers la montagne, qui attire des scientifiques. Alors, on l'a vu avec Horace Bénédict de Saussure à l'instant. Mais qui attire aussi les élites de l'Europe, les élites anglaises, qui vont faire un grand tour dans cette Europe et qui vont passer par les Alpes pour se rendre en Italie. Et la montagne, là encore, est sur leur chemin. Et la montagne devient de plus en plus synonyme de liberté, d'air pur, et comme un idéal, un lieu des utopies qui vont se forger progressivement à travers des ouvrages qui vont circuler, à travers les philosophes des Lumières qui vont reprendre le thème, Rousseau bien sûr, et qui vont porter cette image de la montagne un petit peu renouvelée jusqu'au milieu des idéaux, on va dire, de la Révolution française. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces aspects finalement ne sont qu'une affirmation de courants, d'idées qui sont nées bien plus tôt, qui ont leur racine précisément dans cette Renaissance et européenne, hein, du 14e, 15e, 16e siècle, parce qu'on peut la faire débuter avec Pétrarque déjà, qui fait l'ascension du Mont Ventoux, et qui aboutissent comme ça, à travers ces grands courants au cours du 18e, et qui vont s'épanouir, on pourrait dire, avec la Révolution française. Oui, qui vont s'épanouir avec la Révolution française. Et nous sentons que plusieurs courants se croisent. La montagne qui est investie politiquement, et ça depuis la Renaissance, vous l'avez rappelé Stéphane Gall, la montagne qui devient un objet d'attraction, on va dire que c'est un objet culturel. Mais malgré tout, Anne Montenac, la montagne demeure dans le même temps un lieu de résistance, un lieu de refuge. Oui, et en même temps, je pense que précisément, c'est un petit peu cette image classique qu'il faut essayer de nuancer. C'est effectivement un lieu surinvesti par l'État, un lieu qui est lié à au processus que rappelait Stéphane Gall tout à l'heure de construction territoriale de l'État, de délimitation des frontières. Et effectivement, dans cette perspective, la contrebande a souvent été interprétée comme une forme de résistance populaire à cet État et à cet État qui s'incarne localement par tout un ensemble d'institutions et qui c'est dans cette veine-là finalement que des figures comme celle de célèbre contrebandier dauphinois Mandrin ont exercé toute une fascination. Hein. C'est cette figure du Robin des Bois, du bandit social qui dont les exploits traduiraient une forme de résistance effectivement à la pénétration de l'État sous couvert de lutte antifiscale. Mais si on regarde les choses un petit peu plus dans le détail, alors là le sel et les indiennes présentent des figures et permettent des analyses finalement assez différentes, mais dans les deux cas, les sources montrent qu'on est aussi face à une culture de la négociation, une culture du compromis. Hein, je le disais tout à l'heure à propos du sel, on est le privilège, malgré la contrebande, est reconduit régulièrement grâce à des ce qu'on pourrait qualifier véritablement de lobbying hein, qui est exercé par les représentants des communautés locales auprès de l'État. Et donc on a un jeu entre privilège et contrebande et ce lobbying qui représente en quelque sorte un l'achat finalement périodique d'un droit à la fraude et la contrebande qui est pour l'État le prix à payer finalement quand elle est non violente, hein, relativement peu violente, pour le prix à payer pour le maintien de la paix dans une région stratégique. Pour les Indiennes, c'est un petit peu différent, mais on a cette image de la guerre contre l'État qu'il faut nuancer également parce qu'on voit finalement que derrière ces bandes armées, derrière ces contrebandiers célèbres, on a surtout des grands marchands, des grands commanditaires qui ont pignon sur rue et qui prospèrent aussi grâce à ces trafics. Anne Montenac, dans Femmes, pouvoir et contrebande dans les Alpes au XVIIIe siècle, vous le montrez très bien et de manière extrêmement concrète que bon, alors d'accord, le contrebandier, la contrebandière se fait arrêter, mais oulala, il n'y a pas une amende fixe, hein. Tout ça c'est discuté. Oui, effectivement, dans le cas de ces populations des Hautes-Vallées, là, ces contrebandiers du sel, ce sont évidemment le plus souvent des gens fort modestes qui sont évidemment totalement incapables de payer l'amende et qui sont aussi qui bénéficient aussi de l'intervention des notables locaux qui d'un côté, si je puis dire, négocie avec l'État la reconduction du privilège et de l'autre, couvre en quelque sorte la fraude et on a effectivement un certain nombre de procès qui s'arrêtent, d'amendes qui sont modérées avec tout un appel aussi de la part de ces contrebandiers ou contrebandières à une forme de justice sociale, une forme d'équité, et on voit aussi l'existence finalement d'une certaine culture judiciaire en quelque sorte, hein, une façon, une capacité aussi à négocier finalement l'amende et la punition. Oui, c'est ce qui est passionnant dans votre démarche, hein, c'est d'avoir étudié ces territoires en marge, la montagne, avec une population en marge, particulièrement les plus pauvres, et même la marge de la marge, les femmes contrebandières qui sont un peu oubliées de la culture quand il est question de la montagne, quand les gens du romantisme s'y intéressent. Pendant des siècles et des siècles, la montagne sembla devoir rester à jamais exclue du domaine des arts et des lettres. Il fallut, avant l'arrivée du romantisme, où l'on découvrit son étrange puissance d'envoûtement, la passion pour la nature de certains auteurs, amoureux de tout ce qui est sauvage et qui se réclamait de Jean-Jacques Rousseau. La montagne dans le magazine de la vie rurale en 1973. Stéphane Gall, il y a une volonté pour le pouvoir de s'emparer de ce territoire, de le contrôler, de même en faire une frontière linéaire. Et puis au XVIIIe siècle, il y a cette volonté, ce désir de mieux connaître la montagne par les scientifiques notamment, et puis la littérature s'intéresse à la montagne. Dans l'évolution du regard porté sur la montagne, le plus de connaissances renforce en fait sans cesse la mainmise du pouvoir. Oui, oui, bien sûr, mais ça fait partie hein, de cette construction de cette mainmise qui se développe. Mais je voudrais revenir sur l'extrait qu'on a entendu, Xavier, qui est un petit peu caricatural peut-être, parce que on a l'impression que la montagne devient un espace culturel qu'au XVIIIe siècle, avec les lumières et puis bien sûr le romantisme qui exalte les sommets, l'air pur, etc., et qui continue malgré tout à regarder les habitants comme un peu des crétins. Soit de formidables résistants, soit des crétins. Mais dès la Renaissance, il y a une sorte de développement d'une culture des montagnards qui s'intéresse aux lettres et qui le revendique. C'est-à-dire qu'en Suisse, notamment, en Savoie, mais aussi en France, on va trouver des auteurs, des plumes, qui vont revendiquer fièrement leur appartenance à ce milieu montagnard, par ailleurs souvent décrié par les stéréotypes de l'époque qui renvoient la montagne à un espace sauvage, retardé, archaïque, tout ce qu'on veut. Ce qui va rester très très longtemps dans l'esprit des hommes jusqu'au XXe siècle, parfois même chez les historiens. Et pourtant, on a des humanistes, alors les humanistes suisses qui s'intéressent à la montagne comme un lieu, un espace d'exploration de la botanique, comme une sorte d'Amérique, on pourrait dire, végétale, qu'ils vont découvrir, dont ils vont parler dans des ouvrages savants, en latin, pour que toute l'Europe puisse accéder à ces connaissances nouvelles. Des Français, je pense à Jacques Pelletier du Mans, qui se rend en Savoie en 1570-72 et qui découvre cette montagne, ces montagnes alpines extraordinaires selon lui, et qui contrastent avec une France qui se déchire dans les guerres de religion au même moment. On a aussi des auteurs alors dauphinois qui vont ou des poètes que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes qui vont chanter les beautés de la nature et qui vont évoquer cet espace comme un espace de culture. Et alors on a même des sortes de débats qui vont apparaître, le débat du planant et du montagnard en Savoie, avec une plume un petit peu acérée d'un montagnard qui revendique sa qualité de montagnard, c'est-à-dire des vertus liées à l'altitude, qui rapproche du ciel, qui élève l'esprit face à des planants. Les planants, ce sont les gens des plaines, qui eux, au contraire, sont loin du ciel et qui sont plus facilement corrompus que les hommes de la pente, que les hommes de la montagne. Eh bien écoutez, vous nous avez fait planer l'un et l'autre, Anne Montenac, Stéphane Gall. Non, merci vivement pour cette grande traversée hein, qui nous conduit de la Renaissance et jusqu'à nos jours sur ce regard porté sur la montagne. Stéphane Gall, Histoire verticale, les usages politiques et culturels de la montagne, c'est chez Champ Vallon. Et vous, Anne Montenac, femme pouvoir et contrebande dans les Alpes au XVIIIe siècle, aux presses universitaires de Grenoble. Merci, il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Connaissez-vous l'exploration urbaine, urbex? Peut-être que vous ne le saviez pas, mais s'il vous arrive de visiter des lieux qui ont été construits puis abandonnés par l'homme, vous pouvez affirmer que vous pratiquez l'exploration urbaine. Et si vous voulez montrer à votre interlocuteur que vous êtes un initié, n'hésitez pas à remplacer l'expression « exploration urbaine » par le mot « urbex », qui vient de l'anglais « urban exploration ». Au départ, il s'agissait surtout d'une nouvelle forme de loisir, inscrite dans une logique de type patrimonial. Mais depuis une vingtaine d'années, cette pratique a suscité un tel engouement que les explorateurs urbains, qu'on appelle parfois les « urbexeurs », développent aujourd'hui des activités très diversifiées. Les plus téméraires ont acquis une forte notoriété en diffusant sur les réseaux sociaux des vidéos illustrant leurs exploits. C'est le cas des nouvelles pratiques sportives spectaculaires comme le parcours, avec un K, qui consiste à escalader des murs ou à surfer sur les toits des immeubles sur un skateboard. Parmi tous ces explorateurs urbains, certains se sont spécialisés dans la visite de lieux cachés ou difficiles d'accès, tels que des manoirs, des usines désaffectées, des hôpitaux, etc. D'autres préfèrent arpenter des endroits explicitement interdits, comme des tunnels de métro ou des catacombes. L'engouement est tel